Chapitre 24e, sous terre. Tout ce que venait de dire l'abbé Lajean était vrai. Le Noël, voyant qu'on cherchait à le noyer, eut l'heureuse inspiration de songer à l'égout. Il dit rapidement à Armand : « Sauvons-nous par l'égout, plongez et suivez-moi. » Le jeune homme avait obéi, mais Fernande avait failli ne jamais revenir à la vie après ses immersions prolongées. Une fois en sûreté, Armand et le Noël l'avaient frictionné et lui avaient insufflé de l'air dans les poumons. Elle avait respiré, retrouvé ses forces et avait marché, soutenue par son fiancé. Armand et le Noël, se voyant à l'abri pour le moment, avaient tenu conseil. Comme l'avait si bien compris Rabelais, M. le Noël avait eu une idée fort naturelle. Il en avait fait part à Armand. « Voilà ces misérables, avait-il dit, convaincu que nous sommes morts. Disparaissons donc, nous tâcherons de gagner l'étranger. L'Italie, avait dit Fernande, l'Italie soit, nous y attendrons le dénouement de ce drame. Et nous viendrons un beau matin, comme le spectre de Banco, nous dresser devant la comtesse. Voilà un bon plan, dit Armand. Puis il avait proposé d'attendre la nuit pour sortir de l'égout. Mais la faim se fit entendre. Armand calcula qu'il se trouvait dans le parc, sous le boulevard Eugène, peu fréquenté, et qu'il y avait chance de sortir sans être vu. Il leva le couvercle de fer du regard d'égout, et ne voyant personne, il se hasarda dehors et engagea le Noël et Fernande à monter. Puis il leur montra un terrain clos, mais non habité, et couvert de taillis épais comme il s'en trouve encore dans ce quartier. Il les passa par-dessus la grille et se hissa derrière eux. Ils se cachèrent. Fernande ne faisait aucune protestation, elle était terrifiée par le péril couru. Armand dit alors à M. le Noël, « En peu de temps, nos vêtements seront secs en les étalant au soleil. Tâchons de les approprier un peu et de nettoyer nos souliers. Vous n'êtes pas aussi connu que moi, vous êtes moins remarquable comme taille. Vous irez à Levallois et vous y achèterez du pain, de la charcuterie et du vin. Vous procurerez aussi des vêtements d'ouvriers pour vous et moi. Fernande se déguisera en ouvrière et nous quitterons la France ainsi. Et de l'argent, dit le Noël. Nous avons pour le moment nos porte-monnaies, dit Armand. Ce soir, j'escaladerai les murs de la maison et les chiens, me flairant, n'aboieront pas. Je m'emparerai des valeurs qui sont, vous savez, et qui composent notre fortune. » Monsieur le Noël ne vit pas d'objection à faire, seulement il murmura. Qui eût jamais songé que j'aurais des aventures aussi compliquées? J'ai commis deux meurtres, je nage en plein roman. Ému par l'amour des choses terre à terre, revenant sur son idée, il reprit. Si nous rentrions tout bêtement chez nous, cette fuite que nous allons exécuter me paraît invraisemblable et chimérique, c'est du roman. Fernande se récria. Oh, partons, dit-elle, à Paris, j'ai peur. Gagnons donc l'Italie, dit Armand. « Monsieur le Noël, je vous en prie, voilà vos chaussures dans un état présentable. Votre pantalon et votre paletot sont secs. Allez à Levallois. »« Je cours et je reviens, » dit le bonhomme, mais il fit ses réflexions. « Quand vous allez me faire passer par-dessus la grille, si un agent de police me surprenait, je serais bien humilié d'être pris pour un voleur. Moi, le Noël, me cacher comme un scélérat, alors que je suis persécuté par des assassins, c'est inouï. C'est amollir la société, c'est... Monsieur le Noël. » Le jour où nous verrons couper le cou au baron Yalich, vous ne direz plus ça. Partez et revenez vite, j'ai faim. Et dire que nous avons un si bon déjeuner dans le panier aux provisions, il est au fond de l'eau. Bien heureux de ne pas y être avec lui. Et Armand accueillit Monsieur le Noël, le hissa sur la grille et l'aida en redescendant en le soutenant. Quand vous reviendrez ici, dit-il, vous vous assurez qu'il n'y a pas de sergent de ville dans l'avenue et alors vous me donnerez le signal. Vous crierez « Pite !» Nous voilà réduits à employer des cris de reconnaissance comme les brigands. Quelle situation! Et en levant les bras au ciel, Monsieur le Noël se mit en marche. Au fond, Monsieur le Noël n'était pas aussi désolé qu'il le paraissait. Il trouvait un âpre bonheur à se trouver acteur dans ce drame. Il le dit plus tard. Certaines gens vont à l'ambigu voir jouer des assassinats. L'ambigu était entré dans ma vie, et j'étais l'assassiné. Ce bon bourgeois, sans énergie, n'était pas fâché de tâter les aventures. Le voyage en Italie, la mer, surtout la mer, qu'il n'avait jamais vue, exerçait une fascination sur lui. Il n'était pas fâché de faire les grands bras et de se poser en victime, mais il se voyait en route pour Naples. Il savourait d'avance les jouissances qu'il se promettait. Il avait surtout des espérances de pêche fantastiques. Il fit ses achats avec adresse, parvint à ses fins et se procura très habilement ce qu'il lui fallait. Il n'oublia ni une paire de ciseaux, ni un dé, ni du fil et des aiguilles. Il revint très chargé. Avec un soin minutieux, il s'assura que le boulevard était désert. Puis, non sans une certaine émotion, il lança ce qu'il appelait le signal de la bande. « Pii !» Armand parut, il prit les paquets d'abord, puis il fit passer l'homme par-dessus la grille. Il transporta vêtements et provisions dans le fond du terrain. Là, en sûreté et bien caché, on pouvait causer. Monsieur le Noël s'aperçut que Fernande semblait tout attristée et préoccupée. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-il. « Tout va bien, pourtant. D'ici à ce soir, nous ne bougeons pas. Donc, pas de danger. Cette nuit, nous trouvons bien à coucher près du chemin de fer. Demain, départ. » Fernande soupira. « Qu'a-t-elle ? » demanda Monsieur le Noël à Armand. « Le savez-vous ? » Fernande répondit. « Je croyais que nous pourrions nous marier. » Et Armand vient de m'apprendre que les formalités à remplir dénonceraient notre existence. Il faut que nos noms soient affichés à la porte de notre mairie de Neuilly. Quand même le mariage aurait lieu à l'étranger. Ma chère mignonne, dit Monsieur le Noël, consolez-vous, on avisera. Je trouverai bien une combinaison qui permettra de célébrer vos noces. Est-ce bien sûr? Je suis persuadé qu'il y a moyen de tourner ces sortes de difficultés. Fernande sera séréna. Quel bonheur, si vous dites vrai. Fit-elle en battant des mains avec joie. Je ne sais pourquoi, je m'imagine qu'une fois la femme d'Armand, je serai en sûreté et que j'aurai conjuré tout péril. Et moi, dit Armand, je meurs d'envie de me promener vous ayant au bras, pour femme, ma chère Fernande. Il me semblera que je suis un titan ayant conquis une déesse dans l'escalade de l'Olympe. De la mythologie, s'écria Monsieur le Noël, de la mythologie avant déjeuner, ce n'est pas le moment. Vite, mettons la table. Et Monsieur le Noël étala les provisions qui furent dévorées avec appétit. L'après-midi se passa assez gaiement, mais il y avait un point noir à l'horizon prochain. C'était la nécessité d'enlever les balleurs. Armand s'en était chargé. Fernande avait ajusté sa robe et s'était costumée en paysanne. Elle aurait voulu un bonnet. « Moi, je conseille la Fanchon, » avait dit Monsieur le Noël. « C'est plus paysanne. » Il s'était coiffé à la mode de Nanterre, ce qui lui allait fort bien. Quand Armand la vit si jolie sous ce nouvel aspect, il profita de ce que Monsieur le Noël s'était écarté pour endosser ses nouveaux vêtements. Le jeune homme saisit Fernande avec enthousiasme dans ses bras et lui donna deux baisers qu'elle lui rendit. À son tour, il lui a se déguisé. Si grand que Monsieur le Noël lui choisit les vêtements d'Armand, ils se trouvèrent trop courts et il eut l'air gauche d'un grand dadais de campagne qui, ayant grandi trop vite, montre les chevilles de ses mollets. Fernande rit de tout son cœur en le voyant ainsi. Il s'amusa à imiter Brasseur dans ses rôles de campagnard, et la gaieté de Fernande redoubla. On n'eût jamais pensé à les voir si joyeux, qu'ils venaient d'échapper à un guet-apens et qu'ils allaient s'exiler. « On n'emporte pas, dit-on, la patrie à la semelle de ses souliers. Rien n'est plus vrai. Mais quand on emmène avec soi une jeune et belle fille que l'on aime, on s'occupe trop d'amour pour avoir des regrets et tourner la tête en arrière en passant la frontière. » Le soir vint. Les naufragés quittèrent le terrain, et Monsieur le Noël proposa d'aller dîner chez quelques marchands de vin où l'on aurait la chance de ne pas être reconnu. Il recommanda d'employer sans affectation le langage des paysans. Fernande eut bien de la peine à s'y mettre, mais enfin, elle arriva à faire quelques cuirées et se servir de locutions vulgaires. Au dîner, rien de nouveau. On se promena à la recherche d'une distraction quelconque. Jamais le temps n'avait paru si long à Monsieur le Noël. Enfin, après avoir visité des cafés-concerts, et s'être fait promener en voiture, il trouva que l'heure d'agir était venue. On regagna Neuilly. Armand obtint que Monsieur le Noël et Fernande l'attendraient sur l'avenue de Neuilly et il partit seul pour son expédition. Il savait comment entrer. Il apporta au pied du mur du jardin plusieurs grosses pierres qu'il trouva devant une maison voisine en construction et il monta sur cette espèce de piédestal improvisé. Il atteignit ainsi de la main la crête du mur, il se hissa et fit taire à voix basse les chiens qui pleuraient des gémissements en le sentant. Du fait, il se laissa glisser sur le sol, et il pénétra dans la maison en traversant le jardin et en se dissimulant derrière des massifs. Il connaissait trop bien les êtres pour être embarrassé, et il ouvrit les portes par des pesées de sa lourde épaule. C'est ainsi qu'il put s'emparer des valeurs en cherchant sans lumière le coffret qui les contenait. Il était déjà dans la cour quand il reconnut que le gardien avait pris l'éveil. Le sol était en contre-haut dans le jardin, le mur par conséquent facile à franchir de l'intérieur à l'extérieur. Il bondit par-dessus. Il reçut deux plombs dans le dos, mais c'étaient des blessures légères. Il s'assura qu'il n'était pas suivi et regagna l'avenue où il retrouva M. Le Noël et Fernande. En chemin, le sang s'était arrêté. Par malheur, la blouse d'Armand et son pantalon en étaient tachés. « Eh bien ?» demanda M. Le Noël. « J'ai réussi, » dit-il. Seulement, il faut que nous gagnions les bords de la Seine pour laver mes vêtements. J'ai reçu deux égratignures qui ne sont rien, mais qui ont saigné. » Fernande se désola de ses blessures, mais M. Le Noël lui-même, après inspection, assura que ce n'était rien. Ils durent se diriger vers la rivière, ce qui leur fit faire fausse route dans la direction de Courbevoie. Armand voulut porter Fernande. « Non, non !» disait-elle. Mais il n'écouta pas ses protestations. Il la prit dans ses bras et l'enleva. Quand elle se sentit bercée ainsi par la marche, elle posa doucement sa tête sur l'épaule de son fiancé. Il eut cette joie de l'enlacer et de lui donner 100 baisers dans le trajet, pendant que M. Le Noël éclairait la marche. L'honorable pêcheur commençait à éprouver une certaine fierté de son rôle. Il y a chez le bourgeois paisible, à côté de la haine pour le crime, une certaine admiration pour l'audace des grands criminels. M. Le Noël résumait plus tard ses impressions en disant à ses amis « Il me semblait qu'en je marchant ainsi, craignant la police, protégeant la marche de la bande, car il tenait à ce mot « la bande », il me semblait, disait-il, que j'étais un brigand, sans l'être, et ça ne me déplaisait pas. » Il signala une ronde, indiqua à sa bande qu'il fallait prendre la rue à gauche, il la ramena ensuite sur la droite, et finalement on arriva sans encombre sur le bord de l'eau. Armand fit sa lessive, pendant que Fernande, brisée par tant de fatigue, s'endormait sur l'herbe. Monsieur Le Noël proposa au jeune homme de ne pas la réveiller. Il fut fait comme le voulait Monsieur Le Noël. On arriva à la gare. Une fois là, on prit les billets pour Lyon. Le but du voyage était Naples. Fin de la première partie.